Frères et sœurs, bonsoir. Je vous apporte la grâce et la paix de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous bénissons bon Dieu pour le privilège nous gagner, pour nous capables encore ensemble à soir. Et c'est avec en pile la joie nous monter bon côté nous et nous content qu'on est, que nous déjà prêts, disposés, que nous ouvrions pour nous tendre. Ça, le Saint-Esprit pral porter pour nous dans le programme nous aujourd'hui. Nous étudions déjà l'importance mariage gagné dans les yeux bon Dieu. Nous étudions que mariage créé dans un jardin, côté qui gagne l'ordre. Donc, mariage marché avec l'ordre. Et tout côté qui gagne l'ordre, bon Dieu là. L'apôtre Jacques pral fait nous comprendre. Là où il y a du désordre, là où il y a et de la jalousie, là côté gagne compétition, rivalité, gagne confusion. Et dès que gagne confusion, texte la dit, Jacques 3, 16, gagne toutes sortes de mauvaises pratiques. Et l'apôtre Paul va l'expliquer que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Donc, c'est pour ça, premier mariage-là, comme principe, établi dans un jardin en Éden. Nous te voyons dans l'étude suivante, nous, que mariage-là, c'est une pierre précieuse. Nous prenons exemple diamant. Nous kembe image ça dans l'esprit, nous. Diamant, il prend temps. Mais il subit en pile pression, en pile chaleur. Mais plus il gagne pression, c'est plus yon vin coller à l'autre et yon pral fusionner pour bay sa nou gagnen qui c'est un cristal et quel que soit angle qu'on coupe, il vin pi belle toujours, pi chè toujours. Donc c'est ça mariage là yé. Et hier noté étudié tout que mariage là, c'est une alliance de sang. Ça veut dire son alliance qui l'a pour toute la vie. Et nous avons étudié un texte dans Psaume 34, verset 13, qui dit nous, si nous voulons gagner le bonheur, faut que nous prêtons pour nous gagner de longs jours. Là, nous retournons là, nous voyons que le bonheur là, il marche avec le temps. En pile mariage, 5, 6, 7 années, il y a un temps craser ça. Donc, il va raconter bonheur, parce que le bonheur ne vient pas dans les premiers jours, dans les premières années. Bonheur prend temps. Donc, plus il y a un temps, plus ou paré pour joindre des fruits mûrs. Un texte l'a dit, si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays. Je dis, nous pral rentrer dans la construction mariage. Là. Nous voyons hier soir que mariage là, c'est un grand atout. Tout lié pour bon Dieu, pour travail que les besoins que fait là, qui travaille les besoins que fait, de créer l'homme à son image et à sa ressemblance, pour faire qui ça? Pour dominer. Pour faire que ça qui gagne dans le ciel là, Jésus dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, programme mariage là, c'est transmettre la vie qui est dans le ciel là, ambiance qui est dans le ciel là, sous terre. Et qui ça bon Dieu fait? Lui créer l'homme, lui placer lui dans un jardin. Lui montrer lui dans espace ça, mais qui dans le ciel là. D'ailleurs, Eden, non? Nous t'ai déjà étudié ça. Eden, non? Son espace, côté que bon Dieu Kavin la donne. Si bon Dieu Kavin la donne, ça veut dire même ça qui dans le ciel là, même atmosphère là, nous te ouais, que même type d'ange, qui a protégé le trône, mon Dieu, hein? C'est même lui-même qui a protégé Éden, pour montrer que Éden, c'est là que présence royée, la présence de Dieu est en Éden. Et c'est ça, mon Dieu dit maintenant à Adam. Bon Dieu pral créer Adam pour permettre Adam vin transmettre toute ambiance en dans jardin hein, sous toute la terre. C'est travail ça que Adam pral gagner pour le faire. Comment nous capable faire dire ça? Parce que texte pral dit non ça nous pral wel puis devant et li pral by Lord à l'homme pour que li capable dominer et remplir la terre. Et mot remplir là, il voulait dire renouveler stock yo. Il voulait dire réapprovisionner la terre. Donc l'on passe en côté et noté ouais aussi dans le texte de Joël hier soir que devant lui, c'est un jardin d'Éden. Dès que nous en présence bon Dieu, ambiance là, lui changer. C'est pour ça nous chanter. On est bien à la maison quand règne l'amour. Nous pas le comprendre puis devant que dès que l'amour côté bon Dieu là tout parce que Dieu est amour. Donc la joie est dans chaque son quand règne l'amour en un mot quand Dieu est là. Alors je dis hein, nous pral rentrer dans construction mariage là. Bon Dieu c'est yon grand et m'tap di architecte. On nous kebe architecte là, d'accord. Son grand architecte, mais c'est yon grand monde qui construit des bagages. Donc, alors, mais c'est jouen terme créole là pour nous comprendre plus bien. Hein. Bon Dieu, et nous, elle a construit caille, et boss maçon, contre-maître, ingénieur. Yo toujours prend en pile temps, en pile calcul, pour yo travail sous fondation Kaila. Et plus Kaila pral solide, pral gagner étage sous lit, pral gagner chambre sous lit, c'est plus fondation hein doit solide. En pile fois gagner plus cob qui dépenser dans fondation Kaila que tout reste parti dans Kaila. Parce que fondation wan, c'est sous lit toute Kaila pour le reposer. Si l'état vini non kay, l'état wè toiture Kaila pas bon, li kap di refait toiture. Si wè mur nan kay yo pas bon, li capable di craser tel mur refait. Mais si li wè fondation wan pas bon, l'a di Kaila condamné net. Condamné net parce que toute bagaille là reposait sous fondation Kaila. Le mariage c'est un édifice que bon Dieu pral construit. Nous connaît importance mariage là gagné dans yeux bon Dieu et pour travail que le besoin fait sous terre. Mais pour raison ça tout le bon Dieu pral construit mariage ça, construit édifice ça, li oblige tout, prend temps li, mette tout ça le doit mette pour former fondation mariage là, fondation bâtiment ça, que nous relais la famille. Alors, en nous lisant le premier verset, nous lançons 8 verset 5. Texte l'a dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qu'est-ce que l'homme? Et là, nous retenons même verset, hein, même chapitre là, dans même réflexion, hein, nous jouons une réponse là immédiatement, verset 6, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, mot qui là, c'est le mot Elohim. Même mot qui traduit Dieu au commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Elohim. Tu l'as fait de peu inférieur à Elohim, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. La gloire, c'est ça, bon Dieu gagné. Bon Dieu, le bon côté parle, c'est gloire. Honneur, magnificence, c'est même honneur, hein? Gloire et honneur. Remarquez, bon Dieu créé l'homme et lui couronné, lui mettait sous tête, lui yon couronne, sa nan couronne, la gloire et l'honneur. Même caractéristique que bon Dieu lui-même lié, même essence là. Bon, me dis non bagay qui là. Zamim, frem, sem ou même kap kouten la jodi. Verset a dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. On aurait été là. Attendez ça bien. Seul moun qui pi ou que l'homme, c'est Dieu. On va prendre. Pas gagné yon l'autre espèce, yon l'autre nature, qui pire que l'homme à part le Père, Dieu le Père, à part Dieu, Dieu, d'en haut, à part Dieu. Vous connaissez et votre Trinité, Dieu le Père, le Fils et l'Esprit, donc ça forme Dieu, un seul Dieu, à part Dieu. Pas gagné yon l'autre espèce qui pire haut que l'homme. Quel que soit niveau ou ange l'en t'est capable, que t'es séraphin, que t'es chérubin, quel que soit niveau lié, l'homme supérieur à lui. Dans le texte là, quand on parlait de l'homme, nous voyons la race humaine. Mélanger ensemble Marie et Madame, ça formait la race humaine, parce que Genèse 5, verset 1 et 2 me dit, Dieu les créa, homme et femme, il les créa, il les bénit et il les appela du nom d'homme. C'est le même mot là, Adam. Pas gagnon l'autre espèce qui pire que l'homme, que bon Dieu. Donc ça veut dire frère, sœur, ou pas capable d'adorer ou ange, parce que ou pire que l'ange là. Ou pas capable d'adorer ou couleuvre, parce que ou pire placé que couleuvre là. Ou pas capable d'adorer ni un bœuf, ni un chien, ni un pied bois, parce que ou pire placé que tout. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence, tu as tout mis sous ses pieds. Mais, Jean bon Dieu, ouais non. Mais ça qui l'homme. Alors, ouais, l'homme, ouais, mari et femme. Alors, l'homme non conçu, nous parlons de ça, puis devant, en deux modèles. Et c'est là pour nous capables de comprendre et programme mariage là. Mais l'un parlait de l'homme, nous parlait de et garçon et fille. Maintenant, créé à son image, ça veut dire il y a même nature avec elle. Dieu est esprit, donc il créé nous comme un être d'abord spirituel parce que nous capables d'entrer en contact avec lui par l'esprit. Et à notre ressemblance pour que nous soyons capables de fonctionner même Jean avec. Jean 4 nous dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui s'approchent de lui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, un être spirituel. Et le malin dans 1 Jean 4, verset 17, nous lit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Mais qui ça nous y est exactement Jean bon Dieu y est. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Donc, aucun bagaille pas capable sous tête nous pour que nous adorer parce que le bon Dieu créé nous, il mettait nous toutes au-dessus de yo. qu'aimé ça pour moi comme un point important. Les animaux, les plantes, les planètes et les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu. Seule espèce, seule race qui est créée à l'image de Dieu, c'est l'homme. C'est peut-être ça, chaque fois que bon Dieu voulait paraître sous terre, il paraît tant qu'un monde, tant qu'un homme, comme un homme. Parce que c'est seul ça que lui-même lui dit qui image lui. Qui l'a représenté ou représente elle comme un homme. Nous capable comprendre dans Genèse lorsque et texte là dit donc que il y a trois monde qui viennent parler à Abraham et là nous ouais texte là c'est comme si nous ouais texte là dit que l'Éternel a parlé. Donc l'Éternel pour le représenter tête dit comme un homme, pas comme un ange, pas comme une autre espèce, mais comme un homme. C'est important pour nous comprendre ça. Maintenant, lui créé à son image pour le refléter caractère et personnalité que bon Dieu gagne. Bon Dieu créé pour le capable partager autorité la veille, parce que le pourrait dire maintenant dominer sur les œuvres, sur tout, sur et les oiseaux, sur les poissons, sur tous les animaux, sur toute la terre. Maintenant, on va me retourner là dans Genèse 1er 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Zamim, verset ça, Genèse 1er, lui adressé à un garçon et fille. Parce que là, il parlait de Adam, la race humaine. Faisons la race humaine, mari et femme. Moi, dis-nous déjà que Genèse 1er, pas banou détail. Lui banou et grand plan. Faisons l'homme, le grand plan. Mais dans Genèse 2, nous parlons des détails pour construction. Et nous parlons de ça tout à l'heure. Mais dans Genèse 1, nous gagnons grand plan. Grand plan, c'est quoi? Faisons l'homme à notre image. Et l'homme, ça, les deux, recevoir mandat pour dominer sur quoi? Sur les oiseaux, sur les poissons, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. L'homme besoin qu'on ait raison d'être yon bagay, c'est pour me retourner dans original, dans manuel d'instruction que fabricant envoya pour me connaître pour qui ça bagay là. Parce que si m'pa konn pour qui ça là, ça m'a fait, m'a abusé. Dieu est un Dieu de dessein. Tout ça l'a fait, li gen pour qui raison le fait, mais le fait là, et ça pourrait permettre qui ça. Li construit, j'en doué ya, kol doué ya, pour le café salvé le fait. M'a retourné dans le texte là. L'homme, la race humaine, mâle et femelle, recevoir mandat pour dominer sur les oiseaux, sur les poissons, sur les animaux, sur toute la terre. Mettez-je au sous-verset. Ou pas ou en verset ça, que l'homme dominait sur l'homme. Ou pas ou en verset ça, que garçon dominait sur fille. Ou pas ouais non verset ça que fille dominait sous garçon. Verset a dit qu'il ILS domine sur. Bon Dieu définit côté domination nous pral lier sur les oiseaux, sur les poissons, sur les éléments de la nature, sur toute la terre, sur tous les reptiles. Et là, Jésus vini, voyez-nous, Le Jésus vient sous terre, il est venu pour lui montrer nous comment pour nous vivre le royaume bon Dieu, hein, tout autant que nous sous terre toujours. Et nous parlons que Jésus pas dominé sous aucun monde. Jésus pas dominé sur l'homme quand il était venu. Il pas dominé sous disciples. Jésus dominé sous poisson. Il dit poisson plein as là. Tout poisson plein as là. Jésus dominé sous vent. Il dit vent, reste en repos. Il dominé sous la mer. Il dominé sous pied bois. Il dit à partir d'aujourd'hui, ou pas bayan encore, pied bois sec sur le champ. Il dominé sur le démon. Mais il pas dominé sur un être humain. Parce que l'ivini, au contraire, qui ça le dit dans Matthieu 4, l'homme. Chaque fois que Satan vient poser une question, il remettait l'homme dans place. L'homme, c'est l'homme qui domine. L'homme ne vit pas de pain seulement. Il place l'homme dans place. Parce que l'ivini, comme le fils de l'homme, il ne dominait pas sur un autre homme. C'est important pour nous comprendre ça. Psaume 33, verset 11 dit, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Isaïe 14, verset 24. Le plan de Dieu, ça le décidera, c'est lui qui gagne pour le réaliser. Proverbe 19, verset 21, verset ça m'a demandé nous pour nous souligner dans la Bible noire pour moi. Verset a dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Il y a un pile projet dans le cœur nous. C'est nous qui pouvons faire plan, yo. Nous qui pouvons faire projet, yo. Mais le n'a fait plan, songez yon bagaille. C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ça pourrait permettre le map fait plan, déjà connaît qui j'en pour agencer plan. 1 Corinthiens 15, 38 me dit, puis Dieu donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Je te dis tout à l'heure, dessein yon bagay, déterminé naturel, déterminer gens pour créer bagaille là, gens pour concevoir les, sa conception, ses caractéristiques. Ça là pour le faire, hein? C'est ça qui peut le permettre de construire, j'en veux construire là. Le pas compte pour qui ça, un bagaille là m'abuse. Si m'achète une machine, me pas compte pour qui ça machine là m'abcrase. M'achète une télévision, si me pas compte pour qui ça télévision là m'a pas l'utiliser pour me faire toute l'autre bagaille. Pourtant, l'idvini pour faire yon bagaille. Il gagne yon raison que fait là. Même genre tout. M'a dit non petit bagaille pour me commencer là. Garçon, pas vin sous terre juste pour vin sous terre. Fille, pas vin sous terre juste pour vin sous terre. Li vin sous terre parce que li gagne yon fonction que c'est lui seul qui a occupé. C'est pour ça bon Dieu fait le texte là dit là me fait saute Lili, il donne un corps comme il lui plaît, 1 Corinthiens 15 38 et à chaque semence il donna un corps qui lui est propre. Pour garçon, li ba un corps, c'est seul garçon qui a un corps garçon. Pour yon fille, li ba li yon corps. C'est seule fille qui a gagné un corps fille. Parce que li chou chaque gagné yon bagay que yon ka fait et c'est pour ça bon Dieu ba yon corps que le ba yon. C'est important pour nous comprendre ça. Si nous pas comme ça, n'a abusé. Donc ça veut dire qui bagay. Nous pral commencer. Alors, me dit commencer parce que sujet ça quand on va l'aborder yo un gros nèg en pile, donc ça va prendre plusieurs séances pour nous arriver cerner li. Donc c'est ça on va commencer. Alors on va commencer avec fondation famille là. Fondation mariage là. Nous allons poser base là. Base mariage là. Base famille là. C'est l'homme mâle. Je dis l'homme mâle là pour nous comprendre les garçons. Base famille. Base, ça qui fondation, fondement, racine, c'est garçon. C'est comme ça, bon qui concevoir le mariage la fait. C'est pour ça qu'il crée d'abord. Maintenant, mesdames, nous toutes qui soulignons là, qui a intention pour un garçon? Premier ça pour nous songer pour moi. Garçon pas là juste parce que son garçon. Garçon gagne une raison qu'elle là. Et si ou pas connaît pour qui ça ou garçon là, pas mettre main sous aucun garçon. Bah elle a changé la même. Si ou pas connaît pour qui raison garçon là, pas prend yon garçon. Parce que sou pour un garçon, sou pas contre pour qui raison là, ou ap abuser, ou ap détruit. Et ça, drôle là, dedans, c'est que lui même tout l'ap détruit. Même gens tout, monsieur, fille, li pas là juste parce qu'on besoin gon fille non kaye. Fille a gon raison d'être li. Si ou pas contre, pour qui raison ou fille là? Pour qui raison fille bon Dieu concevoile? Si ou pas konn qui jan fille a fonctionné, pas mettre main sur yon fille parce que ou ap abuser, ou ap détruire et l'ap détruire tout. Jan yé ya, kon gen ya, ou konsa parce que bon Dieu gagne yon bagay que c'est seul ou ka faire, c'est pour ça li bon corps que le bon là. Alors bon Dieu créé l'homme, la race humaine, garçon ak fi, pour yon capable régner sur la terre. La terre sous domination l'homme. Le nous pas comprendre ça. Nous venons à poser bon Dieu une série de questions que bon Dieu lui-même dit, je ne pas comprendre pour qu'ils en a posé une question. Ça, d'ailleurs, si nous regardons dans Esaïe, chapitre 54, verset 15, bon Dieu pourrait dire nous, si l'on t'attaque, ce ne sera pas moi. Donc, toute attaque que nous avons fait contre nous, bon Dieu déjà dit, c'est pas moi-même. Pour qui raison? Bon, me fait nous un petit bagage. Supposons, moi, bâti une belle caille. Un gros caille. Maintenant, kay sa, mwen enferme ak yon moun pou 5 ans. Est-ce que nous pensons que m kapab n'importe le mvle, vin rentre nan kay sa pou m fè sa mvle? Non. Pour qui raison? Parce que mwen enferme déjà ak yon moun. M bay, c'est mwen met kay la, c'est vrai. Mais mwen genye yon kontrat m siye ak yon moun, m enferme pou moun nan jouer kaela, gérer kaela. Donc tout ça mon a fait dans kaela, m pa gen pou m vinn poser aucune question sou li et m pa capable en rentrer carrément pour me fourer pied man dans kaela pour me faire ça m'vle sous prétexte que c'est moi qui met kaela. Non. Si nous-mêmes humains nous comprenons ni comme ça, songez que bon Dieu créé nous, à son image, ça veut dire, nous fonctionner même gens avec elle. Et ça, bon pour nous, bon pour lui, tout. Loi que nous, on a respecté, loi ça, yo, bon Dieu respecté, yo, tout. D'ailleurs, toute loi naturelle, nous, on là, yo, yo, régie par des lois spirituelles. C'est spirituel-là qui baille à naturel-là. Donc, même gens tout, bon Dieu baille la terre à l'homme. Somme 115, 16 dit, les cieux sont les cieux de l'éternel, mais il a donné la terre au fils de l'homme. Donc, ça veut dire que, bon Dieu pas capable, en intervenu sous la terre, parce que li bay gestion la terre à l'homme. En plus, le monde dit pour ça, le Adak, Eve, t'as mangé fouillard. Bon Dieu, pas de lagon tonnerre sous yo. Bon Dieu, pas de casser droite yo. Casser main yo pour pas de prendre fouillard. Parce que bon Dieu a fermé terre à l'homme. Il n'est pas capable de fouiller mais carrément pour lui empêcher l'homme de faire ça le doit faire parce que l'homme a responsabilité. Bon Dieu pourra le rencontrer avec après pour lui poser la question. Mais il n'est pas capable d'empêcher le faire ça le doit faire. Parce que li bali déjà autorité. Alors regardez bien. Dominer, mot hébreu c'est rada, c'est régner, contrôler, gérer, conduire. Bon Dieu, l'homme doit pour régner sur la terre. Mais doit régner, dominer ça, li est pour garçon et pour fille. Bon, tout dit non ti bagay. Nous chaque nous gagnons un domaine côté n'a régné. C'est là vraiment dit nous n'a commencé remettre étude nous en comme ça aujourd'hui hein. Si nous pas con raison d'être un bagaille nous pral abuser. Bon Dieu pral bail l'homme un côté pour l'exercer domination par là. Li pral bali ça nous relait le pouvoir directionnel. Nous pral comprendre ça plus devant et l'on dit que l'homme est le chef de la femme. L'homme est la tête de la femme. C'est pour ça qu'on dit c'est fondation. Ça veut dire c'est lui-même qui fait en vent. C'est lui qui gagne responsabilité. C'est lui-même tout nous pral comprendre plus devant qui le leader qui a dit mes directions on peut aller. Il est la tête. C'est pour raison ça, nous pas comprendre que dès que problème n'arrivait, bien que c'est Ève qui initiait problème non, mais bon Dieu pas poser Ève question en premier parce que Ève c'est pas fondation hein. Ève c'est lui-même qui en haut car là mais Dieu va s'adresser directement à la fondation à l'homme. Maintenant, la femme gagne un autre type de pouvoir. Pouvoir par femme là, il est le pouvoir d'influence. On peut prendre ça. Ouais, j'aimerais dire nous là puisque nous gagnons et on route pour nous faire ensemble, n'a étaler des bases. L'homme gagne un pouvoir de direction. Mais côté nous praler, c'est là nous praler. Il est le leader, il est le chef, il est la tête. Mais la femme gagne un autre pouvoir. Pouvoir par femme non, c'est le pouvoir d'influence. C'est femme là qui dit, ok, c'est là nous praler chérie, mais mes gens n'a fait pour nous arriver là. Bon, mais nous faisons comprendre ça. Moi, je fais comprendre ça. Garçon, le lit dit, chérie, nous prenons là. C'est en bas pied bois, ça, nous prenons là. Mais le garde, lui, ouais, pied bois seulement. C'est là, ouais, c'est pied bois, ouais. Pourtant, en bas pied bois, il y a un bon trou. Il n'y a pas de trou, parce que l'a gardé pied bois directement. Mais fille à lui-même, l'a gardé. Li pa gade pied bois directement, fi a gade toute zone nan pou tombe sous pied bois. Et fi a déjà wè que plein trou là. Mais il dit d'accord chérie, nous prenons en bas pied bois, mais route n'a fait pour nous arriver là-dedans. Bon Dieu créé le comme ça. On va le montrer nous pour qui raison. Si bon Dieu créé tout le monde pour regarder même Jean garçon, il va priver dans pied bois parce qu'il va tomber dans trou quand même. Et si bon Dieu créé tout le monde pour regarder même Jean fille, il va priver dans pied bois tout parce que tellement gain détail que il a regardé, il va priver dans li dans côté où voulait aller. Bon prendre l'autre exemple. Chérie, allez dans market là, prends un sachet pain pour moi. Bon garantie nèg la sorti. l'a marché, l'a privé, l'a allé, l'a prend sa chez pain. C'est pain ou de l'île prend, l'y va prendre l'autre bagaille. L'y va prendre sa chez pain, l'y paye, l'y tourne. Mais fille, après qu'il rentre dans la maquette là, c'est pain ou l'y prend. La panique voye gel, l'y voye pain. Mais étant l'y pain, l'y voye l'étude. L'y voye fromage là. L'y voye ketchup là. Donc fille, l'y voye pain, mais l'y voye tout sandwich là tout. Le garçon en lui-même, c'est pain en l'ouest, c'est pain en l'vlé, c'est pain en l'odile, la pral prend pain. Le rivet, il tourne, il dit, le pagain laitue, il a tourné, il pral prend laitue. Après, il dit, le pagain fromage, il a tourné, il pral prend fromage, là. Après, il dit, le pagain ketchup, il a tourné, il prend ketchup, là. Mais, fia, ou seul, gardez le garder, il prend tout. Alors, meni, bon Dieu fait, pour que, gagne direction, hein, côté non v'lé rivet, là, mais gagne influence, là. Pour que youn veille sous l'autre et pour que bagay la arrive satisfait. Le nèg la manger sandwich là, la satisfait. Fia tout la satisfait parce que tous deux fait ça que yo te gen pour faire ya et plan réalisé. Voilà, mesdames, messieurs, frères et sœurs, le programme de Dieu. Maintenant, se comprendre bien? Bon Dieu dit l'homme dominé. Mais nous pas dire mais attention pasteur Bernard. Il y a un verset dans la Bible là que je ne pas comprendre. Verset a dit nous dit que l'homme pas dominé sous fille. Mais Genèse 3:16 dit moi. Il dit à la femme: j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Oh! Même fait dit que l'homme pas dominé sur la femme. Eh ben bon, mais bagay là. Mais il dominera sur toi. Moi, te dis nous, depuis première fois, que nous pas obligés d'utiliser des mots hébreux et grecs. Pour qui raison? Parce que chaque mot yo c'est un beau kit. Yo gon bonne information qu'il a dans yo. Lorsque nous pas prend mot dans tout sens li, facilement nous errer, nous passer à côté. Mot français dominé a faut me dire non ça tout. Gon bonne mot en français qui c'est des mots passe-partout. Vous baguez toutes gens pour traduire, si on sait le mot passe-partout, quel que soit Jean ou bagaille, il y a son seul langage, c'est l'où mettez. Moi, bon exemple. Exemple, l'amour. Aimer. Moi, j'aime maï. Comment on dit en français? J'aime le maï. Moi, j'aime avocat. Comment on dit? J'aime l'avocat. Moi, j'aime chien. Comment on dit? J'aime mon chien. Moi, j'aime papa. Comment on dit? J'aime mon père. Même j'aime. Nan. Moi-même, madame, moi, comment me dit-il? J'aime ma femme. Moi-même, mon Dieu, comment me dit-il? J'aime Dieu. Même j'aime l'homme, mettez-le dans tout côté. Son mot passe partout. Donc, le ça, et pourtant, dans l'autre langue, yo, chaque mot, yo, gagne un côté la léa. Mot qui pourrait aimer chien, c'est pas lui qui pourrait aimer madame, non, c'est pas lui qui pourrait aimer bon Dieu, ya. En grec, par exemple. Maintenant, en français, dans la traduction, yo, nous conseillons le mot, qui c'est le mot passe-partout, c'est pour ça qu'il fait, là, nous, on va gombarer qui paraît confusion, l'âme gagne dominée dans deux sens, mais faut m'aller dans l'original là pour moi, que dominée, non, début, hein, c'est le mot mamlakat, c'est le mot rada. Mais ici, c'est pas ni mamlakat, ni rada qui est utilisé, c'est le mot machal en hébreu. Machal là veut dire présider, diriger. Livre dit guider, donner la direction. Nous te disons tout à l'heure, pouvoir l'homme non, c'est le pouvoir directionnel. Donc l'homme non pas là pour dominer sous madame dans comme ou maître et seigneur pour dire fais ça pas fais ça, mais non, il est là pour la famille là, il bail direction wa. Chéri, mais ça moi bon pour famille. Mais côté nous praler et si nous regardons bien dans texte la Bible, nous parle ouais que bon Dieu pral utiliser même mot Marshall ça lorsque il a parlé de lui-même par rapport aux hommes, par rapport à tout. Bon Dieu pral utiliser même mot ça pour lui. Psaume 22 verset 28, car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. C'est le mot Marshall. Il parle pour le craso, il parle comme un tonton macaque pour vous, mais là pour le bord la direction. Donc on reprend. L'homme garçon pas là pour dominer sous aucun autre garçon. Aucun gouvernement, aucun chef, pas là pour dominer sur un autre être humain. Pour quelle raison? Parce que nous sommes tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc l'homme pas gagné autorité pour dominer même sur sa femme, comme yon maître et seigneur. Mais il est là pour lui diriger, pour lui guider, pour lui orienter. C'est ça que bon Dieu établit immédiatement après l'Éden, après le problème du péché. Problème, ça va paraître, parce que bon Dieu dit à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari. Quel désir? C'est pas des désirs sexuels. Parce que puis devant, on va le dire même parole là à Caïn concernant le péché. Le désir de prendre la direction. Le désir de prendre les devants. Mesdames, bon Dieu qui crée nous, on connaît ça. Bon, tout dit nous ça, mesdames. Et peut-être, messieurs, pas attendez ça, mais mesdames, bon, dit nous bagaille. Bon Dieu déjà connaît nous. Et donc, on va le pour qui ils ont puis devant. C'est lui qui fait nous. C'est lui qui connaît qui ça nous y est, qui ça nous a fait. Et lui connaît avec pouvoir qu'il bat nous, ce pouvoir d'influence. Si nous avons pouvoir d'influence ça, et nous prenons pouvoir directionnel là encore, nous connaissons tout ça qu'a fait. Alors il dit nous, tes désirs se porteront toujours vers ton mari. Mesdames, non, voilà, dis-nous bagay. En pile, bon grand pile mesdames qui souke tête kounya pour yo dim parce que en pile nan nous mesdames toujours qu'on ouais bon série de situation n'a dit bam bam monsieur jupe là m'a prend pantalon désir ça li là bon Dieu connaît ça li dit m'connaît nous toujours pral gagner désir ça pour nous prendre les devants nous monsieur trop lent dans bagaille là moi m'ta traiter le plus rapide plus bien Dieu dit attention. Il dominera sur toi. Il marchal. Quel est le mot marchal là? Ça veut dire, il donne la direction. Ça veut dire, des fois, avec toute idée ou envie craser ou envie avancer, ya, soumission là pour le kembo. Mais toi, soumets-toi à la direction. Tu vas influencer, certes, mais respecte la direction, respecte l'ordre, respecte le droit qui te dit mes côtés n'ont pas aller. Et donc, pour comprendre ça, puis devant. Lorsque vous sortez en bas, soumission ça, vous sortez en bas, loi ça, mariage là déjà dérapé. Parce que vous sortez dans les lois de l'Éden. Alors, n'a pas arrêté là jodi a mais nous pas comprendre ça nous pas le travail sous garçon hein pour nous comprendre qui ça un garçon y est fondation hein famille hein c'est garçon hein tout poids kaila pour le poser sous fondation hein sous garçon hein. C'est ça que fait bon Dieu pour le créer d'abord. Mot et grec qui utilisé pour l'IA, c'est un mot qui signifie formule. Ou elle ou a coulé béton pour kembe en bas fondation. Hein? C'est mot ça que bon Dieu va utiliser. Aza. Pour former l'homme. Là. C'est pas même mot à l'utiliser pour la femme dans Genèse 2, 22. Pour la femme, n'est pas l'utiliser le mot bana qui veut dire construire. Donc, pour garçon, hein, bon Dieu, azal. Il est juste et pour tout matériel, yo. Tout, et c'est la donne, ouais, et fait yo marrer. C'est la donne, et roche yo posé. C'est la donne, coup béton en pral couler. C'est là qui gagne un côté qui solide là. On sait du côté ouais solide dans garçon, c'est justement pour ça parce que c'est fondation. Hein. Mais pour la femme, c'est la construction. C'est là artiste là pour le travail. Donc nous sous garder toute forme yo voir ouais, ça son forme ou artiste fait par rapport à nèg là, c'est ouais bra vidé. Monsieur, m'pa compte non, parce que me la donne tout. Mais faut que nous comprenne pour qui ça nous là. Nous pas le comprendre en tant que fondation, nous pas là pour nous faire ouais. Parce que l'on regarde un caille ou pas jamais une fondation. Hein. Pour ta fondation là, mais elle est toujours cachée en bas. Mais c'est des cas pour tout choc. Yo. Ou est en l'air. C'est pour ça, nous obligés qu'on est qui est nous y en tant que garçon. Pour qui ça nous là. S'il vous plaît, pas prend information l'en main l'autre monde sous nous parce que l'autre monde information que la banou s'il pas sorti dans source là la ban information qui parlait des fois contre nous même si me besoin compte qui est ce moyen qui ça me ca fait pour qui ça me là c'est dans bible là pour me venir parce que c'est lui qui dit mais qui ça mié. En pile problème nous gagnons dans mariage aujourd'hui, c'est parce que y a des informations que nous gagnons sous garçon qui pas sorti dans la Bible. Et bon Dieu dit déjà par Jésus, par la voix de Jésus, toute plante que n'a pas planté mon père sera déracinée, ça rentrer dans mariage. Conseil de bagaille nous dit garçon là pour le fait qui pas dans la Bible. Et nous, par contre, côté nous sortir avec eux, mais nous rentrer comme si c'est des versets, vous voyez. Et c'est même bagage ça qui détruit la famille. Je pas besoin d'exciter à soi, non, là. Puis on finit qu'on y a. Information besoin sous où, garçon. C'est dans la Bible là pour joindre. Et leur joindre dans la Bible là, rester sous lui. Même quand on marche à contre courant dans la société, même quand tout le monde compte tout. Rete dans la Bible, parce que la donne ou gen garantie pour remporter la victoire. N'a continuer la prochaine fois, et là, nous praler entrer dans qui ça yon garçon yé. Qui Jean bon Dieu concevoir un garçon? Et qui ça un garçon ka fait? Pour qui raison bon Dieu fait le Jean le fait là? Et ça va permettre que les mesdames yo kounya les garder mari yo pour garder avec un autre G. Là yo comprendre pour qui raison là, pour qui raison c'est comme ça bon Dieu fait. Pour qui raison pas réfléchir même j'avais. Pour qui raison pas ouais bagaille la même j'avais. Là nous comprendre qui est lié pour qui ça li là nous gagnons déjà un moyen pour nous éviter une série de conflits inutiles. En dans Kyle. Ma bano rendez-vous pour demain pour nous continuer pour nous connaître qui ça garçon ayé et le ça n'a armé nous pour nous avancer main dans la main. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.